Mon, mon, mon. Mon, mon, mon. Main, main, main. Deux. Son, son, son. Sang, sang, sang. Sein, sein, sein. Trois. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Tin, tin, tin. Quatre. Long, long, long. Lent, lent, lent. Lin, lin, lin. Cinq. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bain, bain, bain. Six. Pont, pont, pont. Pan, pan, pan. Pain, pain, pain. Sept. Don, don, don. Dent, dent, dent. Din, din, din. Huit. Vont, vont, vont. Vent, vent, vent. Vin, vin, vin. Neuf. Rond, rond, rond. Rang, rang, rang. Rein, rein, rein.